Si je veux connaître la sagesse de Dieu et sa volonté, je dois lire sa parole qui m'encourage à rechercher les choses d'en haut. Bonjour, les ministères En Contact, en collaboration avec Radio Espoir, vous présentent l'enseignement biblique de Charles Stanley. La Bible nous enseigne à rechercher les choses d'en haut et non les choses terrestres. On peut se demander comment y parvenir lorsque nous sommes préoccupés par la famille, la maison et le travail. De façon pratique, comment pouvons-nous gérer ces choses tout en gardant à la pensée les choses célestes? Aujourd'hui, à En Contact, Charles Stanley nous donne des conseils bibliques qui garderont notre attention fixée sur Jésus-Christ, peu importe nos tâches quotidiennes. Dieu s'attend à ce que nous assumions nos responsabilités au travail et à la maison. Or, si nos pensées sont attachées à lui et à son royaume, nous serons alors dans une meilleure position pour savoir comment nous acquitter de nos obligations quotidiennes. Voici notre enseignant, Charles Stanley. Quand nous considérons les différentes composantes du corps humain, nous devons reconnaître que la partie la plus complexe est celle qui reflète le mieux le génie créateur de Dieu et le cerveau. Mais bien que le cerveau soit en quelque sorte la tour de contrôle du corps humain, il est aussi le terrain de jeu et le champ de bataille de Satan. Car c'est à cet endroit que Satan nous attaque avec des idées et des pensées. Dans son Épître aux Colossiens, au chapitre 3, Paul nous entretient de certains sujets spécifiques concernant l'objet de notre attachement et la direction que nous donnons à nos pensées. Ce passage constituera notre référence aujourd'hui. Nous rechercherons à déterminer quel est le siège de notre attention et de nos désirs. En écrivant aux Colossiens, l'apôtre Paul veut les prévenir du danger des coutumes païennes, autrefois les leurs, avant leur conversion. Lisons Colossiens chapitre 3, les versets 1 à 4. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. » Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Dans ce passage, nous essaierons de comprendre comment les pensées contrôlent notre vie et comment Paul décrit leur processus. L'apôtre Paul mentionne deux ou trois choses dans ce passage. Elles méritent un temps de réflexion. La première concerne une partie de la vie chrétienne à laquelle la plupart des chrétiens n'accordent que peu d'attention. Il s'agit de notre position en Jésus-Christ. Relisons le verset 1. « Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. » Nous avons une pensée complémentaire au chapitre 2, verset 20. « Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde. » Ici, Paul nous parle de notre relation avec Jésus-Christ et plus précisément de notre position en lui. La Bible affirme que chaque croyant est non seulement sauvé, mais que tous les croyants sont placés en Jésus-Christ. Cela signifie que nous bénéficions d'une relation vivante, vitale et éternelle avec lui. Nous sommes unis en lui, dans le sens que nous faisons maintenant un avec lui. Il habite en nous et nous habitons en lui. Voici ce que Paul essaie de nous faire comprendre au sujet de notre position en Jésus-Christ. Puisque nous sommes morts avec lui, nous sommes ressuscités avec lui. Jésus-Christ a été crucifié, enseveli et il est ressuscité. Nous nous identifions à ces trois actions de la vie du Christ. Nous avons été crucifiés avec lui, comme l'apôtre Paul l'affirme dans Galates chapitre 2, verset 20. Nous avons été ensevelis avec lui, comme il l'affirme dans Romains, chapitre 6, verset 4, et nous sommes ressuscités avec lui. Nous pouvons donc nous identifier à lui par ces trois actions. L'apôtre Paul nous explique comment nous devons penser dans la phrase suivante. Puisque nous avons été crucifiés avec lui et que nous sommes ressuscités avec lui, nous devons donc agir d'une certaine façon. Et nous pouvons remarquer qu'il décrit notre position dans ce passage. J'entends parfois dire « Oui, je sais que les choses se passeront éventuellement de cette manière. » C'est inexact. Les choses ne se passeront pas de cette manière. elle se déroule déjà de cette manière. Relisons le verset 1. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. L'apôtre Paul déclare, tout d'abord, que nous avons été crucifiés avec Christ. Nous sommes ressuscités avec lui et on peut remarquer qu'il spécifie où Christ est assis à la droite de Dieu. Il ajoute ensuite que lorsque Jésus-Christ reviendra, nous serons révélés avec lui, c'est-à-dire que nous nous manifesterons avec lui. Ainsi donc, voilà où nous sommes selon le point de vue de Dieu. Nous reconnaissons d'une part que nos pieds sont sur cette planète appelée la Terre, mais Dieu nous dit « Voici de quelle façon je vous vois. Vous êtes crucifiés, ensevelis et ressuscités. Je vous vois cachés en Christ, ancrés en lui, et je vous vois aussi revenant avec lui. » Et à cause de qui nous sommes selon la perspective de Dieu, Paul nous encourage. « Continuez donc à rechercher les choses d'en haut où Christ est situé. En qui nous sommes cachés, celui qui est notre vie, qui vit et habite en nous. Nous portons son nom. Nous possédons sa vie. Continuez à chercher ces choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu et où, éventuellement, nous serons en réalité. Ensuite, il dit, attachez vos choses d'en haut et non aux choses qui sont sur la terre. J'aimerais maintenant vous poser une question. Que veut-il dire par s'attacher aux choses d'en haut? Je vous suggère ceci. Les Saintes Écritures enseignent dans Proverbes 23, verset 7, « Car il ou elle est comme les pensées de son âme. Cela signifie que nous devenons progressivement semblables à nos pensées. Nous devenons semblables à ce que nous désirons le plus dans la vie, à ce pourquoi nous travaillons le plus et à ce sur quoi nous dirigeons nos affections. » Nous pouvons donc premièrement conclure que nos pensées sont très importantes et nous pouvons ensuite nous demander « Mes pensées correspondent-elles à qui je suis? Et si l'objet de mes pensées, moi, les autres personnes ou les autres choses, ne correspondent pas à qui je suis, cela constitue un problème et il devra être résolu. » L'apôtre Paul affirme que, comme croyant, nous devons continuer à rechercher les choses d'en haut, et que notre attachement et nos pensées devraient se concentrer sur les choses spirituelles et non sur les choses de ce monde. Maintenant, est-ce que cela signifie que nous ne devions jamais penser aux questions d'argent? Non. Cela ne signifie pas non plus que nous ne devrions jamais penser à des choses qui sont dans le monde. Nous devons penser à ces choses. Cependant, Paul établit une différence entre penser à ces choses et s'attacher à elles. Mon attachement, mes désirs ne doivent pas être fixés sur les choses de ce monde. Ma pensée ne doit pas poursuivre ces choses, ni en faire l'objet de mon affection ou de mon obsession, mais ma pensée doit être concentrée sur les choses célestes. Essayons maintenant d'identifier ce que l'apôtre Paul veut dire quand il parle des choses d'en haut d'une part et des choses terrestres d'autre part. Prenons d'abord la première catégorie, les choses d'en haut. Nous savons déjà que nous sommes citoyens des cieux, car nous sommes en sécurité pour l'éternité. Puisque nous sommes certains d'aller au ciel, nous n'avons pas à nous préoccuper de savoir comment nous y rendre. Nous n'avons donc pas à réfléchir et à nous concentrer sur la façon de nous y rendre, car cette question est déjà réglée. Il est écrit, « Attachez-vous aux choses d'en haut. » On peut donc imaginer Jésus assis à la droite du Père, intercédant pour nous. Nous pouvons aussi nous rappeler la prière de l'apôtre Paul en faveur des Colossiens. Au premier chapitre de l'Épître, je considère cette prière comme une des plus belles de la Bible, car elle contient énormément de puissance. Écoutons l'apôtre Paul prier pour ses interlocuteurs en lisant Colossiens chapitre 1, verset 9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle. Premièrement, en pensant aux choses d'en haut et au commandement qui nous est fait de rechercher les choses d'en haut, nous devons penser à la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour moi aujourd'hui? Dieu peut vous diriger par la vie d'une autre personne, mais Dieu seul connaît sa volonté pour votre vie. jusqu'à ce qu'il vous la montre. Nous devons donc rechercher la volonté de notre Père céleste. Et, en plus de rechercher la volonté du Père, quand je recherche les choses d'en haut, je dois, deuxièmement, chercher à connaître les voies de Dieu. Et comment puis-je arriver à connaître les voies de Dieu? En réussissant à connaître les intentions de Dieu pour ma vie, pendant que je recherche les choses d'en haut. Et comment puis-je intégrer les choses d'en haut dans ma vie? En mettant en pratique le message de Dieu, celui qui a été transmis dans la Bible, écrit par des hommes inspirés par le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu. Dieu nous a accordé l'immense privilège de pouvoir connaître sa volonté et ses voies par le biais de sa parole. Nous pouvons ainsi découvrir les choses qui viennent du Dieu Tout-Puissant. L'apôtre Paul nous exhorte à rechercher les choses d'en haut. Nous voulons alors connaître la volonté du Père que nous pouvons trouver dans la Bible. Nous voulons également connaître les voies du Père que nous pouvons aussi trouver dans sa parole. Et si je veux recevoir la parole de Dieu pour moi aujourd'hui, je vais ouvrir son livre, la Bible, et lui demander « Seigneur, que veux-tu que je fasse aujourd'hui? Quelle est ta volonté? » Je veux obtenir ce que chaque croyant désire, la sagesse de Dieu qu'on peut acquérir en recherchant les choses d'en haut. Et comment peut-on trouver la sagesse de Dieu? En la demandant à Dieu. Si nous voulons connaître la sagesse de Dieu, ses voies, sa volonté pour notre vie, et si nous voulons savoir comment marcher dans cette vie, l'apôtre Paul nous enseigne à rechercher les choses d'en haut. Cela signifie-t-il que je ne dois attacher aucune importance aux choses de la vie quotidienne? Non, mais nous devons comprendre ceci. Paul nous dit de rechercher les choses d'en haut. Et si notre désir est de connaître les choses spirituelles, nous saurons comment être et agir avec les choses terrestres. Nous saurons comment gérer les choses de la vie quotidienne. Nous saurons prendre des décisions empreintes de la sagesse de Dieu. Toutefois, ma pensée ne doit pas être attachée à l'idée de posséder et de contrôler. Considérons un moment les choses terrestres. Quelles sont-elles? Qu'est-ce qui intéresse les gens? Ils veulent du plaisir. Ils désirent une position sociale élevée, du pouvoir, du prestige. Ils veulent être riches. Ils veulent beaucoup de choses. Et il n'y a rien de mal à cela. Il n'y a rien de mal à vouloir de l'argent. Il n'y a rien de mal à avoir de l'ambition, en autant que nous vivons notre soif d'ambition de la bonne façon. Il n'y a rien de mal avec les bonnes choses que Dieu permet dans notre vie. Or, elles ne devraient jamais devenir une obsession pour nous. Elles ne devraient jamais devenir le point central de notre affection. Elles ne devraient jamais être ce que nous voulons et recherchons avant tout. Voyez-vous, toute chose désirée qui laisse Dieu de côté pourrira entre vos mains quand vous l'obtiendrez. Peu importe s'il s'agit d'une personne, d'une expérience ou d'un plaisir, elle pourrira ultimement entre vos mains si Dieu n'est pas dans le coup. Jésus-Christ lui-même nous enseigne dans l'Évangile selon Matthieu chapitre 6, verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Pourquoi s'inquiéter? Dieu s'arrangera pour répondre à tous nos besoins. Or, pour cela, paradoxalement, nous devons arrêter d'être concentrés sur nos besoins et d'être obsédés par eux. Souvent, cela n'est pas une mince affaire quand nous avons des besoins pressants. Or, je ne veux pas parler de cela ici. Considérons les gens dont le seul but dans la vie est de gagner le plus d'argent possible. Ils ne sont pas heureux, car ils ont peur. Ils ont peur de perdre leur argent, ou ils ont peur de ne pas avoir assez. Et si nous leur demandons combien ils devraient en avoir pour en avoir assez, ils ne peuvent pas vous le dire, car ils n'en ont jamais assez. Et si leur obsession est le prestige, ils veulent toujours gravir un échelon supplémentaire. Si c'est le pouvoir, ils veulent en avoir un peu plus et avoir tout sous leur contrôle. Car, voyez-vous, la seule chose en mesure de satisfaire le cœur humain est Jésus-Christ. Seul Jésus peut totalement nous combler. Aucune autre expérience dans la vie ne vous en donnera jamais assez pour vous satisfaire. Tout cela est aussi futile que de chercher à courir après le vent pour le rattraper. Tant de gens recherchent n'importe quoi, ou n'importe qui, et n'importe quel plaisir. Et peu importe la quantité de ces choses ou la durée de temps qu'ils y consacrent pour les obtenir, tout cela finit par pourrir en bout de ligne. Les gens finissent donc seuls avec leur déception, s'ils laissent Jésus-Christ de côté. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous encourage à ne pas perdre notre temps à faire des expériences qui nous ont laissés insatisfaits dans le passé, car elles ne nous apporteront pas plus de plaisir maintenant. Il nous dit de nous attacher aux choses d'en haut, car à ce moment, nous devenons semblables au sujet principal de notre pensée. Or, quand nous nous attachons aux choses matérielles, nous devenons matérialistes. Quand nous nous attachons à la sexualité, nous devenons obsédés par elle. Peu importe sur quoi nous nous concentrons, nous finirons par devenir semblables à l'objet de notre concentration. Et si vous voulez devenir semblable à Jésus-Christ, si vous voulez rendre évidente aux yeux de tous la vie de Christ en vous, que devez-vous faire? Comment s'attacher à lui? Cette recherche de Christ sera un chemin sans fin et un objectif inatteignable tant que Jésus-Christ ne sera pas devenu l'objet de votre affection. Pour cela, vous devez vous attacher aux choses d'en haut. Cela veut-il dire que vous ne devriez pas aller à l'école? Non, mais cela signifie que vous devez investir toute votre vie dans votre recherche de Christ. Et quel chemin devez-vous prendre pour y arriver? Le chemin de la volonté de Dieu. Et à quoi devez-vous vous attacher? À Jésus-Christ, le Christ qui vit en vous, le Christ qui accomplit sa volonté dans votre vie, peu importe les circonstances. Votre éducation à l'école doit être en harmonie avec la volonté de Dieu. Vos relations doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu. Vos désirs doivent être en harmonie avec la volonté de Dieu. Et tout ce qui n'est pas en harmonie avec la volonté de Dieu provoque une dissonance dans votre vie. Et à cause de cette dissonance, vous raterez votre raison d'exister. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit de nous attacher aux choses d'en haut, car tout devient très clair quand nous nous sommes attachés à accomplir la volonté du Père. Peut-être pensez-vous, je ne sais même pas quelle est la volonté du Père, mais vous n'avez pas à la connaître. Et si vous vous demandez comment vous pouvez vous attacher à la volonté du Père sans même la connaître, sachez que vous n'avez qu'à lui dire « Seigneur, je m'engage à accomplir ta volonté. À toi de jouer maintenant. » Et je puis vous garantir que Dieu sait exactement quoi faire à partir de ce moment. Attachons-nous aux choses d'en haut, car à chaque fois que nous permettons à notre pensée de rechercher tout autre chose que la volonté de Dieu, nous finissons par commettre des erreurs et nous serons finalement déçus. Rien ne satisfait le cœur humain à part le Seigneur Jésus-Christ. Car vivre uni à lui, en lui obéissant et en lui étant soumis, est la seule manière d'obtenir une réelle satisfaction. Nous pouvons voir tout autour de nous des gens passer leur vie et investir leur temps à prendre, à contrôler, à posséder, à désirer et à convoiter le prestige et la richesse afin d'en obtenir encore plus, seulement pour se trouver en fin de leur vie face à un vide béant. C'est pourquoi nous rencontrons parfois des gens qui vivent dans la plénitude, le contentement et une absolue joie de vivre alors qu'ils possèdent peu de choses. Pourquoi? Parce qu'ils ont le plus important, une relation intime et personnelle avec Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit « Ne vous attachez pas aux choses terrestres pour la simple raison qu'elles ne vous apporteront pas de satisfaction durable. » Écoutez ce qu'il dit dans Colossiens chapitre 3, verset 2. « Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. » L'apôtre Paul nous enseigne que, premièrement, nous sommes morts au mode de vie qui nous force à obtenir une position, du pouvoir, de la richesse et tout ce genre de choses terrestres. Considérez comme il est insensé de passer votre vie, année après année, à accumuler, à recevoir, à entasser toutes sortes de biens et que, tout à coup, en une seconde, votre cœur cesse de battre. Tout est alors terminé. Quelle effroyable perte de temps! Considérez plutôt ceci. Attachez-vous à la volonté de Dieu, à la sagesse de Dieu, aux voies de Dieu et à la parole de Dieu. Commencez à appliquer sa volonté dans votre vie et vous verrez que chaque jour devient un investissement procurant de riches dividendes. Vous faites alors confiance à Dieu pour qu'il vous procure toute la prospérité, le prestige, la position, les promotions et toutes choses qu'il juge adéquates pour votre vie. Car s'il est la source de toutes choses, tout doit venir de lui. Voici où se situe la différence. Vous commencez une merveilleuse et joyeuse marche de plénitude, car vous avez placé toute la responsabilité sur Dieu qui la désire. Et vous êtes alors concentré sur lui et non pas sur des choses. Et il affirme dans sa parole que quand vous êtes concentré sur lui, c'est-à-dire que vous vous attachez à ce que Jésus-Christ soit le Seigneur de votre vie et que votre caractère le reflète, il vous promet de faire en sorte de pourvoir à tous vos besoins, car il est votre source. Et je dois maintenant vous poser une question, à vous qui êtes en même temps croyant et étudiant. Quel but poursuivez-vous en investissant 3 ans ou plus de votre vie en vue d'obtenir un diplôme? Quelle est votre ligne de pensée? Est-ce parce que vos parents vous ont dit qu'il vous fallait étudier le plus possible? Est-ce parce que vous voulez gagner beaucoup d'argent? Et encore une fois, je n'ai rien contre le fait que vous deveniez riche. Je ne crois pas que vous devriez vivre dans la pauvreté si vous n'y êtes pas obligé. Mais quel est votre but? Gagner de l'argent ou avoir une bonne éducation afin d'être soumis à Dieu? Il pourra ainsi faire de vous ce qu'il désire et accomplir en vous son plan pour votre vie. Êtes-vous prêt à vous mettre à son service? Car dans ce cas, vous êtes vraiment attaché aux choses d'en haut. Vous êtes prêt à recevoir ce que Dieu désire pour votre vie, car vous vous présentez à lui comme un sacrifice vivant. Et s'il vous faut obtenir un diplôme pour vous y préparer, en investissant 3 ans, 5 ans ou 8 ans d'études supérieures, tant mieux. Mais vous devez d'abord répondre à cette simple question. Quel est mon but? Et si votre but n'est pas d'accomplir la volonté du Père, ce but est impur et inacceptable à ses yeux. Car, à ce moment-là, vous voudrez vivre comme vous le voulez. Or, un croyant ne doit pas vivre comme il l'entend, mais comme Dieu l'entend. Et pour y arriver, il doit s'attacher aux choses de Dieu, plutôt qu'aux choses terrestres. Aussi, vous laisserez à Dieu l'occasion de vous bénir, et il vous bénira de plusieurs manières que vous ne pouvez même pas concevoir maintenant. Car Dieu aime nous donner ce que nous ne recherchons pas. Quand je pense à ma propre vie, je pense à toutes les façons dont Dieu m'a béni personnellement, et certaines de ces façons ne me seraient jamais venues à l'idée. Car, il y a longtemps de cela, j'ai pris une décision. J'ai dit à Dieu, « Seigneur, je veux vraiment que tu accomplisses ta volonté dans ma vie, quelle qu'en soit la nature. » Et à un certain moment, il y a plusieurs années, je pensais devenir missionnaire quelque part dans le monde. Je pensais que le Seigneur voulait m'utiliser de cette manière et je lui disais, « Seigneur, fais ta volonté avec ma vie, je suis d'accord. » J'ai continué à lui faire confiance et il m'a permis d'accomplir quelque chose de mieux que les missions. Il m'a donné l'occasion de prêcher l'Évangile dans tous les pays du monde. Vous voyez, j'aurais pu chercher à faire les choses à ma manière, mais on ne peut pas faire mieux que Dieu. C'est le point le plus important. On ne peut pas trouver une meilleure façon de le servir que celle qu'il a prévue pour nous, peu importe ce que nous faisons. Et je pourrais vous donner un nombre effarant d'anecdotes de ma propre vie pour vous démontrer comment Dieu m'a béni au-delà de mes attentes. Or, vous pourriez penser que j'exagère. Je me contenterai donc de vous dire simplement ceci. Dieu est aussi bon qu'il le dit. C'est tout. Il est simplement aussi bon qu'il le dit et il veut seulement que nous nous attachions à lui. Et si ma pensée est attachée à lui, il assume la responsabilité de mes besoins et il aime subvenir à nos besoins. C'est le seul mode de vie qui peut nous convenir. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul dit « Puisque vous avez été crucifiés et ensevelis avec lui, puisque vous êtes ressuscités avec lui, puisque vous portez maintenant le nom de chrétien et que vous possédez sa vie, attachez-vous donc aux choses de Dieu et non aux choses terrestres. Car nous sommes morts et nous avons été cachés avec Christ en Dieu. » Je reviens encore à ma question. Quel est votre but dans la vie? Pourquoi étudiez-vous? Pourquoi travaillez-vous 8 heures par jour, 5 jours par semaine? Voulez-vous simplement gagner votre vie ou être en position d'accomplir la volonté de Dieu en son temps, en son lieu et à sa façon? Cela ne veut pas dire que nous n'aurons pas notre part de problèmes, de peines, d'épreuves, de fardeaux et de nombreux moments de crise dans notre vie. Or, aussi longtemps que nous pouvons rester concentrés sur Dieu, nous serons en mesure de faire face aux tempêtes de la vie. Et nous aurons toujours de quoi subvenir à nos besoins. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut où Christ est assis à la droite de Dieu. Attachez-vous aux choses d'en haut et non à celles qui sont sur la terre. Notre priorité dans la vie devrait être Dieu et son royaume. Quand nous recherchons le Seigneur, sa justice et sa sainteté pour nos vies, il nous promet de s'occuper de tous nos autres besoins. Charles Stanley nous a demandé aujourd'hui, Christ arrive-t-il en premier lieu dans votre vie? Évaluons nos priorités et attachons notre pensée à Dieu. Nous pouvons faire face à de réelles difficultés dans notre vie, mais la clé de la victoire en ces temps de détresse est de nous concentrer sur la fidélité de Dieu. Il ne nous abandonnera jamais. Le psaume 121, versets 1 et 2, nous rappelle ceci. « D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Vous avez faim, vous avez soif, votre estomac est vide, votre cœur aussi. Les déjeuners de l'espoir peuvent remplir l'un comme l'autre. Un repas délicieux vous sera servi. Ensuite, vous pourrez entendre comment Jésus a transformé la vie d'une personne qui demeure près de chez vous. Peut-être est-ce un voisin, un ami ou un parent. Venez voir. Contactez-nous au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647 ou www.espoir.ca. Touchant le monde avec notre passion pour Dieu et notre compassion pour les gens, l'enseignement de Charles Stanley est une présentation de Ministère en Contact et une production de Radio Espoir.